Examen 2. Compréhension de l'oral. Exercice 1. Hôtel Sabah, bonjour. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur nos tarifs, appuyez sur la touche étoile. Si vous souhaitez connaître les promotions de notre réseau, appuyez sur la touche 1. Si vous souhaitez faire une réservation, veuillez patienter. Un opérateur va répondre à votre appel. Merci.